Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 4 mai et nous souhaitons tout d'abord une bonne fête aux Sylvains, ça vient du latin signifiant forêt. Sociables et plaisants, les Sylvains sont pourtant réservés de prime abord. Sensibles et émotifs, ils arrivent somme toute à bien rester maîtres d'eux-mêmes. Leur charme n'en est que plus grand. Vifs d'esprit, ils ont une compréhension rapide du savoir-faire et une capacité d'adaptation importante. Ils sont d'ailleurs rarement dépourvus d'humour et apprécient les joutes verbales dans lesquelles ils excellent. Ils savent être persuasifs le cas échéant, mais aussi entre deux tendances contraires, celle du 3 qui les pousse à s'extérioriser, communiquer, dilapider, s'enthousiasmer, se disperser, et celle du 4 qui les pousse à construire, douter, persévérer et voir les choses de façon plus pessimiste. Ils ont de l'énergie, du courage ainsi que le sens des affaires et du concret. D'esprit logique et rationnel, ils préfèrent s'appuyer sur les démarches sensées de leur jugement plutôt que de se fier à leur intuition. Assez susceptibles et vaniteux, ils sont capables d'avoir de violentes crises de colère lorsqu'ils se sentent humiliés. Ainsi, leur comportement, du fait de ces vibrations contraires, est contradictoire. Passant de la patience la plus folle dans un certain domaine à la patience la plus inattendue dans un autre, de l'extraversion à l'introversion, de la générosité à l'avarice, de la joie à la tristesse, les Sylvains sont insaisissables et leur nervosité y contribue beaucoup. Nous fêtons également les Florians, ça vient du latin signifiant floraison. Vive communicatif et adaptable, tels sont les Florians, sympathiques et charmants, tout en demeurant quelque peu réservés et en cherchant à préserver leur individualité ainsi que leur intimité. Ils savent néanmoins être sociables, mêlant introversion et extraversion selon les moments. Ils possèdent des facilités d'expression, aiment échanger et discuter avec les autres tout en sauvegardant leur jardin secret. Quelque peu méfiants de prime abord, ils sont pourtant francs et directs, mais ont besoin d'être sécurisés ou rassurés pour approfondir les relations. En revanche, une fois conquis, ils se révèlent délicieux, bavards et pleins d'entrain. Avec eux, c'est souvent tout ou rien. L'indépendance est très chère à leur cœur et ils ne sont pas dépourvus de fantaisie. Gais et optimistes, ils possèdent le sens de l'humour et apprécient les jeux, les amusements et les plaisirs. Ils ont même parfois des dons d'imitateurs, savent convaincre, vendre ou amuser. Curieux, les Florians sont friands de connaissances mais peuvent être éclectiques ou éparpillés. C'est justement cette tendance instable ou superficielle qu'il faut surveiller lorsqu'ils sont enfants. Les activités créatives ou théâtrales seraient conseillées, ainsi que l'apprentissage des langues. De plus, ils sont facilement intéressés par les techniques modernes. Un ordinateur pourrait les combler. Dicton du jour, méfait ou défait. Célébration internationale. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des pompiers, décidée le 4 janvier 1999 et fixée le jour de la Saint-Florian, saint patron des pompiers. C'est également la journée Star Wars, puisqu'elle provient du jeu de mots anglais May the, qui ressemble à May the Force be with you, que la force soit avec toi. Phrase emblématique de Star Wars. Aux États-Unis, dans l'état de Rhode Island, c'est la fête de l'indépendance. Et aux États-Unis également, c'est la journée de l'oiseau pour sensibiliser à la conservation des espèces. Ça s'est passé un 4 mai 1776, indépendance de Rhode Island, qui devient la première colonie britannique à renoncer à l'allégeance au roi George III. 1953, Ernest Hemingway recevait le prix Pulitzer pour Le vieil homme et la mer. 1959, première cérémonie des Grammy Awards. Et 1962, le mouvement Don't Make a Wave Committee changeait de nom et devenait Greenpeace Foundation. Allez, première pause musicale avec Dave et son titre Du côté de chez Swan. De rêver encore à l'adolescent que je ne suis plus. On sourit en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux. J'irais bien refaire se laisser t'embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant je paierais cher pour revivre un seul instant le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. On oublie parfums pour qu'on retrouve soudain la magie d'un matin et l'on oublie l'avenir pour quelques souvenirs. Et je m'en vais faire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisser t'embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant j'ai payé cher pour vivre un seul instant, le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. J'irais bien refaire un tour du côté de chez soi, de voir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne se laisse t'embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant j'ai payé cher pour vivre un seul instant, le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. J'irais bien refaire un tour du côté de chez soi, revoir mon premier amour. Du côté de chez Swann, Dave sur RGM, 8h37, on est toujours dans la matinale et alors là on va parler anniversaire. Ils sont nés un 4 mai 1938, naissance de Tyrone Davis, chanteur de musique soul américain, notamment connu pour son titre Can I Change My Mind, dont on écoute tout de suite un extrait. She didn't bat an eye as I packed my bags to leave. I thought she would start to cry. I sit around my room and grieve. But you're the girl. She fooled me this time. She acted like I. Voilà pour l'extrait de Tyrone Davis, 1944, naissance de Dave, chanteur néerlandais, 1946, naissance d'Yves Lecoq, humoriste français, qui depuis septembre 88 participe à l'émission Les Guignols de l'Info. 1951, naissance de Jackie Jackson, chanteur américain, qui a fait partie des Jackson 5. C'est également l'année de naissance de Gérard Jugnot, acteur, réalisateur, scénariste, producteur français, vu dans la 7e compagnie au clair de lune, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, Les Bronzés fondus du ski et Les Bronzés 3 dans le rôle de Bernard Morin, Le coup de Sirocco, Le Père Noël est une ordure dans le rôle de Félix où il est également co-scénariste et co-dialoguiste, Papy fait de la résistance dans le rôle d'Adolfo Ramirez, Meilleur espoir féminin dans le rôle d'Yvon Rance où il est réalisateur et co-scénariste, Monsieur Batignol dans le rôle d'Edmond Batignol où il est réalisateur, co-scénariste et co-producteur, Le Raid, Les Choristes dans le rôle de Clément Mathieu où il est producteur associé également, dans la vue dans le film Boudu dans le rôle de Christian Lespinglet où il est également réalisateur et coproducteur, Les Brigades du Tigre dans le rôle du commissaire Fèvre, L'Auberge Rouge, Le Petit Nicolas, La Nouvelle Guerre des Boutons dans le rôle de Père Lastec, Astérix Obélix au service de Sa Majesté dans le rôle de Barbe Rouge, Babysitting dans le rôle de Marc Chaudel, Camping 3 et récemment dans C'est beau la vie quand on y pense où il est également réalisateur, il interprète Loïc Letalec et on a pu le voir également à la télévision dans la série Merlin dans le rôle de Merlin. 1954, naissance de Piazzadora, chanteuse américaine notamment connue pour son titre en duo avec Jermaine Jackson. C'était le titre When the Rain Begins to Fall. On écoute tout de suite un extrait. Thank you. Voilà pour l'extrait du titre When the Rain Begins to Fall. On continue les anniversaires. 1972, naissance de Mike Dirnt, musicien américain bassiste du groupe Green Day. 1976, naissance de Miko, animateur télé, radio, humoriste français. 1979, naissance de Lance Bass, bassiste américain qui fut membre du groupe NSYNC, dont on écoute tout de suite un extrait de leur titre Bye Bye Bye. Voilà pour l'extrait du groupe The NSYNC. 1986, naissance de Scott Speeding, joueur de rugby français professionnel depuis 2005, qui a joué pour les Golden Lions, les Sharks, Brive, Bayonne et depuis 2015, il joue à Clermont. 1987, naissance de Francesc Fabregas, footballeur espagnol, qui de 2003 à 2011 a joué à Arsenal, de 2011 à 2014 à Barcelone et depuis 2014, il joue à Chelsea. C'est également l'année de naissance de Rémi Deval, humoriste et comédien français qui fait partie du duo Les Décaféinés, découverts dans l'émission On ne demande qu'à en rire. 1992, naissance d'Ashley Rickards, actrice américaine connue pour son rôle de Sam Walker dans la série Les Frères Scott, son rôle de Jenna Hamilton dans la série Awkward et vue également dans la série The Flash. 1994, naissance de Pauline Ducru et fille de la princesse Stéphanie de Monaco. C'est également l'année de naissance d'Alexander Gould, acteur américain connu pour son rôle de Shane Botwin dans la série Weeds, vue également dans Esprit criminel, Supernatural, et il est la voix originale du personnage de Nemo dans le dessin animé Le Monde de Nemo. 2009, naissance d'Henrik de Danemark, prince danois et comte français. En 1938, décédé Jigoro Kano, fondateur du judo. Et en 2017, on apprenait le décès de Victor Lanoux, acteur français vu au cinéma dans l'affaire Dominici, cousin-cousine. Un éléphant, ça trompe énormément. Un moment d'égarement, mais on le connaissait surtout pour son rôle de Louis Roman dans la série télé Louis la Brocante, et il avait joué également dans les enquêtes du commissaire Laviolette, dans le rôle du commissaire Laviolette. Allez, petite pause musicale, on va retourner en arrière, les années 80, non, même moins. Jackson 5, I Want You Back. Thank you. Les Jackson 5 et leur titre I Want You Back sur le 107FM, 8h47. Et il est temps, eh bien, pour nous de parler météo. La météo. Alors aujourd'hui, ce sera une belle journée ensoleillée avec tout de même quelques nuages dans le ciel. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés ce matin, entre 18 et 20 degrés pour cet après-midi. Pour samedi, très belle journée ensoleillée. Des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 21 et 23 degrés pour demain après-midi. Et pour dimanche, très belle journée ensoleillée également. Des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 21 et 23 degrés prévues pour dimanche après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Football, Europa League et Marseille qui s'est qualifié non sans mal pour la finale. Même s'ils se sont inclinés hier soir à Salzbourg 2-1, eh bien ils se qualifient donc grâce à leur victoire à l'aller 2-0. Le club marseillais est donc qualifié pour la finale et ils affronteront l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann qui s'est imposé hier soir 1-0 face à l'équipe d'Arsenal. La finale aura lieu le 16 mai prochain à Lyon. Et à noter que côté Arsenal, Laurent Koscielny est sorti sur civière. Il souffre d'une rupture du tendon d'Achille. Malheureusement, il ne participera pas à la Coupe du Monde, à moins vraiment d'un miracle. Allez, programme de la Ligue 1. Ce soir, Amiens reçoit le Paris Saint-Germain. Et dimanche, Saint-Etienne recevra Bordeaux, Lyon 3, Caen, Monaco, Dijon, Guingamp, Metz, Angers, Nantes, Montpellier, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Lille et on terminera avec Marseille face à Nice. En Ligue 2 ce soir, Nancy se déplace pour affronter le Paris FC. En basket, en NBA, cette nuit, l'équipe de Boston de Yabusele s'est imposée 108-103 face à l'équipe de Philadelphie de Lua Okabaro. Boston mène la série 2-0. Du côté de chez nous, samedi en Pro B, Nancy recevra Poitiers. Et en National 1, le Jet Vosges se déplacera à Lorient. Un mot de tennis avec le tournoi de Hanig où il n'y a plus de Françaises en compétition après l'élimination hier de la Française Amandine S en 3-7 face à Zeng, 5-7, 6-1, 6-1 et à Istanbul, Jérémy Chardy s'est qualifié en 3-7 face à Lajovic 4-6, 7-6, 6-2. Il affrontera aujourd'hui l'Italien Fabiano. Et on va terminer avec du hockey sur glace. Tout d'abord, Alexandre Mulle sera parmi l'effectif de Bordeaux la saison prochaine. Ça a été officialisé hier sur les réseaux sociaux. Et on va parler des championnats du monde de hockey sur glace qui débutent aujourd'hui pour l'équipe de France qui aura pour capitaine Stéphane Dacosta. Après la retraite de Laurent Meunier, fallait trouver un nouveau capitaine. Et bien donc ce sera Stéphane Dacosta. On va d'ailleurs faire un point sur l'effectif complet de cette équipe de France qui va donc débuter aujourd'hui le mondial à Copenhague. Côté gardien, ont été sélectionnés Florian Hardy, Ronan Kemner et Sébastien Ilonen. Côté défenseur, Johan Ovitu, Florian Chakiachvili, Hugo Gallet, Kevin Ekfeuille, Jonathan Janil, Antonin Manavian, Damien Rowe et Thomas Thierry. Et côté attaquant, on a Morin Bouvet, Valentin Clairaut, Stéphane Dacosta, Teddy Dacosta, son frère, qui fera d'ailleurs partie de l'effectif de Grenoble la saison prochaine. Florent Douet, Damien Fleury, qui sera à Grenoble également la saison prochaine, Anthony Guttig, Loïc Lamperrier, Guillaume Leclerc, Jordan Perret, Anthony Reck, Nicolas Ritz, Alexandre Texier et Sacha Treille. Et donc on va faire un point sur le programme qui attend donc nos bleus pour ce mondial. Donc je vous le disais, ça démarre aujourd'hui à 16h15 avec un gros match face à la Russie. Alors vous pourrez le voir sur le site internet de la chaîne L'Équipe en direct à 16h15. Sinon, si vous n'avez pas l'occasion, eh bien faudra attendre 20h45 pour le voir à la télévision. Alors si vous êtes fan de hockey sur glace, évitez de connaître le résultat avant de regarder le match ce soir. Samedi, ce sera France-Biélorussie à 16h15 également. Lundi, ce sera Suède-France à 20h15. Jeudi 10 mai, Slovaquie-France à 16h15. Vendredi 11 mai, France-Autriche à 16h15. Dimanche 13 mai, France-République tchèque 16h15 également. Oui, les matchs, c'est quasiment tout le temps à 16h15. Et mardi 15 mai, ce sera Suisse-France à à 12h15 cette fois-ci. Voilà, vous connaissez la compo de l'équipe de France, vous connaissez tout le programme. Si vous êtes fan de hockey sur glace, rendez-vous sur la chaîne L'Équipe qui va diffuser donc les matchs. Pour certains en direct, pour d'autres en différé. En direct, il y aura par exemple Suède-France. Ou encore Suisse-France, et après les quarts de finale et la finale, enfin un quart de finale, pardon, et la finale. Mais bon, on n'en est encore pas là. Il va falloir déjà se maintenir dans l'élite. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On va marquer notre dernière pause musicale avec les Green Day et leur titre « Wake Me Up When September Ends ». Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. September ends. Green Day sur RGM, 8h57, c'est déjà l'heure de se dire au revoir, mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. De 9h à 9h30, il y aura un épisode de Ours et Carottes, de 10h à 10h30, un deuxième épisode d'Ours et Carottes, 13h30, la rediffusion de Chronique BD avec Camille, 14h, rediffusion de J'aimais, je vous le lis, 15h, rediffusion de Jazz Time qui nous vient de Radio Déclic, 18h, l'heure des loups avec Lou, 21h, ce sera Vivre et créer à la montagne avec Vincent, et quant à nous, on se retrouve le 14 mai. Notez bien sur votre agenda, la semaine prochaine, je ne serai pas là avec vous. On se donne donc rendez-vous le lundi 14 mai. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Bye bye.